Le cœur et le bal des femmes de la ville de Pyongyang, consacrés à la 6e conférence de l'Union démocratique des femmes de Corée, ne seront toujours fidèles au parti, a eu lieu le 18 courant au palais des sports de Pyongyang. Y ont assisté Cha Yong-hae, vice-président du comité central du Parti du Travail de Corée, des cadres intéressés, les délégués de la 6e conférence de l'Union, des permanentes et membres de l'Union pour la ville de Pyongyang.